alimentaire canadien. Sinon, tu deviens... Co-co-ca. Content. Co-co-ca. Des états. Co-co-ca. Le centre d'achat. Co-co-ca. Comme ton papa. Prends des produits laitiers. Volailles et poissons, des haricots et des œufs. D'autres aliments apportent du plaisir, mais consomme-les avec modération. Suis le guide alimentaire canadien. Ouh, tu deviens Co-co-cra. Crota. Co-co-cra. Des états. Il y a un beau petit bon film à télévision. Puis je vais faire du bon popcorn sucré salé beurré.